Double S on the trap, bitch. Yay, il me faut un enfant et une femme qui pourra sauver mon âme. Ceinture noire, septième dan. On ne joue pas avec les dames. Je m'en vais pêcher dans les flammes. Dans ma galère, je rame à me soucier de ce qui se trame. Tout ce qui se dit derrière WAM. Et je traverse les portes comme un tram, ouais. On t'accepte pas si t'es une falche. On te crame, ouais. Tu fais Marie-Antoinette. Tu t'es mariée aux toilettes. Tu comprends pas mon dialecte. C'est pas ce qu'il y a dans ma canette. Allez, balèque, Neski RK9. Lundi, la bif et la bête. Tease les Jack Nel, on se fait la belle. Quand tu marcelles, je te bloque. On t'accepte pas si t'es une falche. Il me faut un enfant et une femme. Une grande maison pour les vagues. Ouais. Combien de goulags sur son fiac? Une de chaque, combien de goulags sur son fiac? Une de chaque, combien de goulags sur son fiac? Une de vodka, une de Jack Mel. Et cette salope veut goûter ma pif. Je vais la faire crier toute la nuit. Toute la nuit, je vais la faire crier toute la nuit. La pif, Neski, Limji, la bay. Combien de goulags? J'ai une pièce dans la fontaine. Que des goulags. La suite j'ai pas en tête. Envoie la bouteille d'un in de chaque. Le cercle il est fermé. Y'a pas de place pour les fâches. J'vois rien dans la fumée. Quand elle s'estompe tout s'efface. Spatache. Quand elle s'estompe tout s'efface. Y'a du stup mais y'a plus des garots. 6 heures retournées demande un carré. Trop vite et là j'traque du mal à me garer. Toujours à place Carnot. Et c'est toujours carré. Et c'est toujours carré. On t'accepte pas si t'es une falche. Il me faut un enfant et une femme. Une grande maison pour les vagues. Ouais. Combien de goulags sur son fiac? Une de chaque, combien de goulags sur son fiac? Une de chaque, combien de goulags sur son fiac? Une de vodka, une de Jack Mel. Pour la sacoche, le camas pour la soquer. De goulags en goulags, je m'approche, bientôt je suis à côté. Faut pas s'en faire, c'est la Chine, on va se taper des tailles. À la filée, quand j'ai tiré sa chaîne, elle a filé aussi vite que la bouteille a fini dans mon ventre ou celui de mes refrains. C'est la pisse, NU. Dealer, on n'est pas venu pour page track. Maintenant, ça qui plus pis, ça qui se partage. Ça vient de quoi, chave? Passe à gauche, vais pas chave. Je vais une gorgée sur chaque glaçon qui passe pas trop loin. Pour m'emporter, il en faut peu, il en faut qu'un. Pour m'emporter, il en faut peu pour être heureux, pas pour cette cadeau. Ok, rien à foutre, j'prends la vague, nan à fou avec leur daronne. Il en faut plus dans mon glace et celui de mes potes. Il en faut plus dans mon glace et celui de mes potes. On t'accepte pas si t'es une falche. Il me faut un enfant et une femme. Une grande maison pour les vagues. Combien de goulags sur son fiac? Une de chaque, combien de goulags sur son fiac? Une de chaque, combien de goulags sur son fiac? Une de vodka, une de Jack Mel.